Bonjour, bonjour. Bienvenue sur Radio Gemozo. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Drôles d'expressions et questions délirantes. Continuons à apprendre des choses et toujours dans la bonne humeur. Drôles d'expressions, questions délirantes, épisode 6, c'est parti. Tout de suite, une expression. Se faire un bleu, se faire une ecchymose. Lorsqu'on se cogne un peu trop violemment contre quelqu'un ou quelque chose, une tache bleue apparaît, la plupart du temps sous la peau. C'est une ecchymose produite par la diffusion de sang dans le tissu sous-cutané. Le bleu en question a tendance à noircir, puis brunir et jaunir avant de disparaître. Je cite, « Ce sera un bleu, et dans 3 jours, un brun, et la semaine prochaine, il n'y paraîtra plus. » Valérie Larbeau, tiré du livre Enfantine chez Gallimard, 1977. Les couleurs autres que le bleu n'ont pas retenu la même attention sauf le noir. L'expression « un œil au beurre noir ». La prise de certains médicaments ainsi que les maladies liées à la coagulation peuvent également faire apparaître des bleus sans qu'il y ait eu des coups reçus. Se faire un bleu est assez banal, mais peut-être le symptôme d'une maltraitance. Effectivement, cela peut vouloir dire qu'on en voit de toutes les couleurs, des bleus, des vertes et même des pas mûrs. Les professionnels de santé sont sensibilisés à cette question, avec inquiétude soit de passer à côté d'un drame, soit de suspecter à tort des violences familiales. La couleur bleue dans les expressions et locution est assez courante. Que l'on songe au sang bleu attribue de la noblesse, alors qu'aujourd'hui, le blue jeans ou celui du travail est un symbole populaire. Le Grand Bleu, film à succès de 1988, évoque un univers extraordinaire, alors que avoir le blues évoque la tristesse. Dans la même veine, si on peut dire qu'il n'y a à avoir que du bleu, c'est ne rien comprendre et être perdu. On voit que plus alors le monde est en rose. De toute façon, s'il reste aux traces de coups, il y a quoi faire du mauvais sang. Voilà, vous avez votre explication sur l'expression « se faire un bleu ». Passons à c'est le moment de la question délirante. Est-il grave d'avaler un chewing-gum ? Celle-ci, on l'a tous entendue quand on était petit. Comme les crottes de nez, il ne fallait pas surtout pas avaler son chewing-gum. Mais personne ne nous a jamais dit pourquoi. Qu'en risque-t-on ? On ne savait pas précisément, mais en tout cas, c'était forcément très grave. Je ne vais pas vous faire durer le suspense plus longtemps. On risque rien d'avaler un chewing-gum. Enfin, pas grand-chose. Dans les faits, il n'y a aucune chance que la gomme absorbée reste collée à votre estomac et cause des problèmes. Au pire, selon certains spécialistes, le chewing-gum mettra simplement plus de temps que les autres aliments à être évacué. En revanche, et je reviens à l'enfance, l'EFSA, l'Autorité Européenne de Sécurité Alimentaire, recommande de ne pas donner de chewing-gum aux enfants de moins de 3 ans, qui pourraient s'étouffer avec. Puisque j'en parle, revenons aussi sur l'histoire de la composition des chewing-gums, ces cadeaux. On doit le chewing-gum au scientifique américain Thomas Adams, qui le fabrique et le commercialise en 1872. À l'origine, la gomme à mâcher est issue d'un mélange de chiclet à latex provenant du sapotillé, un arbre fruité originaire des Caraïbes et d'Amérique centrale. Adams mixe cette préparation avec la résine et du sirop, et le premier chewing-gum voit le jour. Aujourd'hui, la préparation d'un chewing-gum est plus complexe, voire mystérieuse, que les fabricants ne dévoilent pas précisément tous les ingrédients. Le chiclet n'est plus l'ingrédient de base, a été remplacé par un produit de synthèse composé de 20% de gomme, 20% de sirop, et 60% de sucre glace. Rien de tout ça nous dit pourquoi on ne doit pas manger nos crottes de nez. Peut-être tout simplement, c'est dégoûtant. Arrêtez ça tout de suite. C'est l'heure de la question bonus. Pourquoi les habitants des États-Unis crèvent-ils le mois avant le jour ? C'est vrai qu'avec ce système, les Américains ne nous aident pas trop. Parce qu'entre le 12-11-2018 et le 11-12-2018, on a vite fait d'arriver à un rendez-vous en décembre, alors qu'on y était invité en novembre. Alors pourquoi font-ils ça ? Au départ, les États-Unis étaient une colonie britannique. À cette époque, les Anglais utilisaient le système de date mois, jour, année. Naturellement, les habitants de leurs colonies d'Amérique du Nord fonctionnaient aussi ainsi. Mais comme en Europe du Nord, tout le monde tournant à l'écriture jour, mois, année, les Anglais ont docilement, une fois n'est pas coutume, adopté ce système au fil du temps. Ils avaient conscience que leur système ennuyait tout le monde. Certes, ils ont fait moins d'efforts par la suite sur la nourriture et la conduite à gauche. Mais qui sait, un jour peut-être qu'ils raisonneront. Revenons à nos dates. Les États-Unis, loin d'Europe du Nord, ont gardé cette notation qu'on appelle le Middle Indian. La note se nomme Little Indian. Aujourd'hui, ils n'ont toujours pas changé la façon de faire et continuent de nous embrouiller. À noter que le seul jour de l'année où le mois est 4th of juillet, le 4 juillet, fête de l'indépendance américaine, étrange mais plutôt cool. Voilà, c'est tout pour cette semaine et c'est déjà pas mal. On se retrouve très vite pour continuer à apprendre des choses et toujours dans la bonne humeur. Ciao, ciao, ciao.